Merci d'accueillir Guillaume Guiz. Bonjour. Bonjour les amis. C'est le seul qui dit bonjour au bout d'une demi-heure. Ouais, bonjour les amis. Il faut que j'arrête avec ce tic de langage en fait. Si on était réellement amis, vous seriez venu voir mon spectacle cette année. Ah, super très bien. T'as un spectacle. Moi, j'attends au lieu de passer, vos samedis soirs à regarder des rediffusions du Big Deal. Moi je l'ai vu. Moi aussi. Je critique. Ouais, voilà, parce que vous êtes, mais pas mes collègues. Non, à votre décharge, je suis jamais allé voir Daniel Morin non plus sur scène, alors que de la vie unanime, sa comédie musicale, c'est le max. Franchement, j'ai même lu que Daniel était peut-être une des, si pas la petite sirène la plus convaincante de ce dernier quart de siècle. Petite sirène, ça a dû faire tellement bizarre d'être en contact avec de l'eau. Bref, vous le sauriez si on était vraiment amis. Moi, ça fait deux mois plus ou moins que j'essaie d'être végétarien. Moi, je fais tout comme Nagui maintenant, exactement. J'ai croisé un stagiaire ce matin, je lui ai fait mon café. Nagui, c'est mon Yoda. Je dis pas uniquement ça parce qu'ils font la même taille et que à 4 mois près, ils ont le même âge, mais Nagui, il faut partir maintenant. Nagui est tout à côté de Guillermo, c'est gênant pour tout le monde. Non, tu vois, Nagui, tu dis, il a un teint incroyable quand même. C'est vrai, ça doit être parce qu'il mange pas de viande ou peut-être parce qu'il part 17 fois en vacances par an, je sais pas, va savoir. Non, ça s'appelle les origines égyptiennes. Mais c'est pas facile de quitter le milieu de la viande, en fait. L'odeur du poulet rôti. Tu parles de qui? C'est l'odeur du poulet rôti. Sérieux, quand t'essayes de devenir végétarien, chaque fois que je passe devant une rôtisserie, je fonds en larmes comme ça. Vraiment, il y a le volailler, il me fait, qu'est-ce qui vous arrive, monsieur? Excusez-moi, vous en faites pas, je vais vous rembourser pour le poulet que j'ai léché, vraiment. Non, c'est vrai, à nos auditeurs, si vous voyez un mec dans la rue en train de sucer un CRS, c'est pas tellement par goût de l'autorité, c'est plus par nostalgie, croyez-moi, vraiment. Ça va être bénéfique, franchement, manger des légumes à long terme. Je sais d'ailleurs, depuis que je suis végétarien, c'est le premier truc que les gens me demandent, ils me disent « Alors, tu sens une différence physique ?» C'est une différence physique. Ouais, enfin, j'ai envie de mourir, quoi. Voilà, j'ai plus de force. Je me nourris exclusivement de chips et d'éléments informatiques. Mais je veux dire, c'est vrai, j'ai l'espérance de vie plus ou moins d'un gros batracien. Mais globalement, c'est vrai, c'est compliqué, non? Faut que j'apprenne à cuisiner les légumes. C'est vrai, là, quand je me fais les courgettes, enfin, je crois que ça a tellement pas de goût que mes organes, ils comprennent pas vraiment que je suis en train de manger. C'est ça le truc. Ça, mon estomac et mes intestins, ils font rien. C'est pour nous, ça. C'est pour nous. Ouais, ils comprennent pas. Ou c'est pour la vessie direct. Vraiment, et donc, c'est vrai, c'est pas facile. Mais le plus dur, et ça, c'est une étude très sérieuse qu'il dit, c'est que devenir végétarien, en fait, ça rend immensément beauf. Je dirais les autres. Et là, je vais m'adresser à mes potes. Et je sais que j'ai des potes qui écoutent France Inter parce que j'ai toujours préféré traîner avec des gens plus vieux. Mais quand on est au resto, que je prends pas de viande et que vous me faites « Non mais attends, tu prends pas de viande, mais tu sais que ta carotte, elle a aussi une sensibilité. » Je veux que vous compreniez que, vous voyez sur Twitter quand il y a un chanteur qui meurt et que les gens y tweetent « Pourvu que Matt Pokora ne fasse pas un album de reprise en se disant « Waouh, je suis trop fort, ça, c'est la première fois que quelqu'un a fait cette vanne. » Je vais vous le dire une bonne fois pour toutes les amis, la vanne de la carotte, un jour vous allez y repenser, ça va vous faire comme quand aujourd'hui vous regardez vos vieilles photos et que sur vos vieilles photos vous avez un mulet, des buffalo et un chien de type caniche. Vraiment, vous aurez la honte, parce qu'ils ne comprennent pas le truc, c'est que moi je deviens végétarien parce que les bêtes, ils ont des vies atroces, pas parce que... J'aime pas la viande. Et si on me dit un jour, voilà cette vache, elle avait une chouette vie, sur la fin, elle a eu Netflix. Avant de mourir, elle a vu la casse à les papels et tout, elle a trouvé ça un peu long, surtout les 86 derniers épisodes. Mais elle a eu une très belle mort. Franchement, elle est morte d'épectase, comme Félix Faure. Et là, je me dirais, ok, mais si vous comprenez pas épectase, vous faites comme tout le monde, avec les mots difficiles, demandez à Lila. Ça veut dire mourir en train de ken. Oh oui, exactement. Exactement. Ah, c'est moi, je vais écrire un truc sur la Coupe du Monde, ça me fera plus plaisir. Bonne émission, les amis. Merci, Guillaume. La bande originale. Si vous n'avez rien compris, vous pouvez la revoir, cette séquence, sur le site. C'est tellement génial. De France Inter.